tranquilo. Abre los ojos. Clair obscur. Musique sombre sur Rage. Bonsoir à tous et bienvenue dans Clair Obscur, l'émission des musiques sombres sur Rage. Bon sang, c'est le pied de vous retrouver pour une deuxième saison. Alors, pour ceux qui découvriraient éventuellement l'émission ce soir, eh bien, soyez les bienvenus pour commencer tous les mercredis soirs pour conclure la soirée rock sur Rage après 33 tours minutes tapage nocturne Underground Zero. À minuit, ce sera Clair Obscur, votre émission des musiques dark avec tout le rock gothique, indus, métal que vous affectionnez. Alors, moi-même, votre serviteur, je m'appelle Stéphane et ceux qui connaissaient déjà l'émission l'an dernier seront peut-être étonnés de ne pas entendre en contrepoint de ma voix suave une petite voix deux octaves au-dessus. Eh bien, je dois vous avouer que Nathalie, ma collègue auprès des âmes nocturnes, doit s'absenter jusqu'à la fin du mois et entre nous soit dit, ça l'ennuie beaucoup. Néanmoins, elle nous fera un petit coucou par téléphone pour marquer le coup pour cette première émission, cette émission de la rentrée, cette émission qui inaugure une deuxième saison et je l'inaugure avec un enthousiasme que vous ne pouvez pas imaginer, même avec la webcam, si vous nous écoutez sur internet, car je ne suis pas dans le champ, mais je suis bien là derrière le micro pour vous accompagner jusqu'à 1h du matin. Voilà, les présentations sont faites, mais que cela ne doive pas m'empêcher de présenter le groupe qui était en introduction de cette émission. C'était, vous l'aurez reconnu, le groupe emblématique emmené par Ian Curtis, malheureusement qui est mort trop tôt. C'était Joy Division avec le morceau Warsaw, qui a été enregistré en 1977, mais qui n'est sorti de façon posthume après la mort du chanteur que sur l'album Substance en 1980. Voilà, je voulais commencer par un classique et je vous propose de rester à peu près dans la même période musicale, mais de la perfide Albion, on va bouger sur le continent, on va aller du côté de Düsseldorf avec un extrait, un exemple de la Neue Deutsche Welle, qui était l'équivalent germanique de la New Wave britannique, et avec un morceau, un groupe que j'aime beaucoup, que j'ai déjà eu l'occasion de vous passer l'an dernier, et c'est un plaisir de vous en passer à nouveau. Il s'agit de Nichts avec le morceau Eingeschlossen. Un exemple de la Neue Deutsche Welle dont je vous parlais à l'instant avec le groupe Nicht. Le groupe Nicht et le morceau Eingeschlossen. Décidément, avec tous ces petits boutons, je m'y perds, c'est la rentrée, pardonnez-moi. Alors, je vous disais, donc Nicht, un groupe qui est passé au début des années 80 sur la scène allemande, un groupe de Düsseldorf, qui est passé comme une comète, qui a existé de 1981 à 1984, qui a sorti deux ou trois albums, et dont un extrait, dont un sorti en 1981, Made in Halle, dont on vient d'écouter un extrait, et c'est de la bombe. Et j'avais envie de commencer cette émission consacrée aux musiques sombres avec des morceaux nés issus de cette période du début des années 80, fin des années 70, une période qui a été fondatrice pour le genre gothique en général, les musiques sombres en général, les gothiques en particulier. Et j'avais envie de donner l'exemple d'un groupe ultra connu comme Joy Division. Vous avez sans doute tous vu le film Control qui était sorti il y a 2 ans, et un groupe qui, lui, est quasiment méconnu, et ça me fait vraiment plaisir de vous le faire découvrir si ce n'était pas déjà fait. Voilà. Alors, tout à l'heure, j'ai un petit peu survolé les styles qu'on allait passer dans cette émission. Je ne me suis pas attardé et j'avais envie de développer un petit peu pour ceux qui éventuellement découvriraient l'émission ce soir. Alors, Clair Obscur, c'est l'émission des musiques sombres. De temps en temps, je vous parle de musique dark. J'utilise un anglicisme parce que je manque de synonymes, pardonnez-moi. Mais toujours est-il que c'est une dénomination assez pratique pour vous parler de tous les genres musicaux qu'on va explorer ensemble au cours de cette petite heure, tous les mercredis soirs. Alors, on aura de la New Wave, de la Cold Wave, comme on vient de l'entendre, du post-punk, mais aussi du rock gothique comme Typo Négative, et j'en passe, quelque chose d'assez classique dans le genre, finalement. On aura aussi de l'électro, alors même si on n'illustre pas ça aussi bien que les émissions du jeudi soir, Electrochoc en tête, on vous passera quand même de l'EBM, on vous passera bien sûr de l'Indus, d'ailleurs je vous en passerai tout à l'heure. Il y en a de prévus dans la playlist de ce soir. Et on vous passera aussi des genres un petit peu plus critiqués, un petit peu de métal par exemple, même si on fait pas tout à fait dans le même genre que nos collègues de Tapage Nocturne que vous pouvez écouter à 22h, mais on en passera quand même. Et aussi un petit peu d'Imo pour les Imo Kids qui éventuellement nous écouteraient. Alors je sais que c'est un genre musical qui est très critiqué parce que c'est pour les minettes, c'est pour les gamins, c'est pour ceux qui écoutent Tokyo Hotel par exemple. Eh bien non, c'est un petit peu injuste comme préjugé. J'en veux pour preuve certains très bons groupes qu'on trouve sur la scène Imo. Et je vais vous passer un groupe que j'ai découvert grâce à Mirek. Mirek qui est un des animateurs de l'émission Tapage Nocturne. Le premier groupe d'Omar Rodriguez et de Cédric Blisger qui officie aujourd'hui dans l'excellent groupe The Mars Volta. Vous aurez peut-être connu ce qu'ils avaient fait avant, et jusqu'il y a quelques années, ils avaient fait At The Drive-In, qui était un groupe emo, dont je vous propose d'écouter un extrait avec un album sorti en 2000, Relationship of Command, et le morceau s'appelle Pattern Against User. Il y a une tradition dans cette émission, c'est que les platines déconnent. Oh, a wide smile. Super ego, bitch, I've been evil a while. I am a daddy in the ghetto with a snow white smile. Super ego, bitch, I've been evil a while. What's my name? What's my name? Hold the S because I am an eight. What's my name? What's my name? Et c'était Marilyn Manson avec le morceau Saint. Placebo, c'est bien aussi, mais c'est pas ce que je voulais pour le moment. Voilà, donc je disais Marilyn Manson avec le morceau Saint. Vous êtes bien dans Clair Obscur, c'est la première émission de la rentrée. On a été absent pendant un mois, les réflexes du technicien sont un petit peu rouillés. Et donc je disais, c'est le morceau Saint qui était sorti sur l'album The Golden Age of Grotesque, qui était sorti en 2003 et qui avait des influences assez métal par rapport à... Donc c'est Marilyn Manson évidemment, et aussi des influences qui venaient de l'univers du cabaret, ce qui donnait un album à l'ambiance un petit peu particulière, à défaut que la musique soit toujours à la hauteur, parce que c'est un album qui est considéré à juste titre comme un petit peu médiocre. Voilà. On va passer maintenant à, on va revenir vers la France avec un groupe parisien, un groupe que Nathalie tenait à nous présenter. Nathalie, bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir Stéphane, bonsoir tout le monde. Bonne rentrée à ceux qui ont rattaqué. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux, puisque les gamins y retournent demain, certains y sont retournés aujourd'hui, et les salariés, eux, étaient dans les bouchons ce week-end, si j'ai bien compris. Et oui, les vacances sont terminées. Mais en attendant, un petit peu de juteux à se mettre sous la canine avec un groupe que certains savent qui m'est très cher, Dieform, le groupe parisien que tu as si bien annoncé tout à l'heure. Et je voulais, en guise de rentrée, vous faire partager un morceau du dernier album. Alors je ne sais pas si toi tu l'as écouté. Honnêtement, je l'ai écouté quand tu m'en as parlé, histoire de me faire une idée. Alors, je sais pas toi, mais moi j'ai trouvé que c'était un des plus accessibles de Dieform pour quelqu'un qui connaissait pas le groupe. Je l'ai trouvé assez dansant, assez facile d'accès par rapport à certaines d'autres de leur production. Rappelons que Dieform, c'est un groupe qui s'est créé à la fin des années 70 et qui jouait justement sur cette ambiguïté difforme, ce qui signifie en allemand la forme, et difforme qui signifie en français quelque chose d'absolument monstrueux. Et avec une imagerie quand même relativement sadomaso, érotique au sombre, qui pouvait vraiment faire réfléchir les gens, voire en choquer certains. Mais c'est un couple à la ville comme à la scène. Et ce sont, voilà, c'est qu'elles sont un groupe d'ailleurs très très très prolifique, hein, parce que un album pratiquement tous les ans ou tous les deux ans, avec des tournées, avec des spectacles, avec vraiment des shows, c'est pas que de la musique, c'est vraiment tout un univers. Et qu'en est-il sur ce dernier album, donc qui s'appelle, si ma mémoire est bonne, Noir Magnétique. Monochrome magnétique, tu dis ? Non, Noir Magnétique. Noir Magnétique, autant pour moi. Bon, le noir c'est monochrome, tu me diras. Tout à fait. Voilà, donc il était pas loin. Noir Magnétique, le dernier album de Dieform, qui est pas très très long. Il n'y a que 11 pistes. Par contre, ils ont été très très généreux avec les collectionneurs, avec des séries limitées, avec beaucoup beaucoup de choses au niveau du merchandising. Tous les groupes ne font pas ça. Moi, je salue l'effort parce que le produit est vraiment très très beau. Et donc, ce soir, dans vos oreilles, j'ai le plaisir de vous offrir un morceau de ce dernier album nommé Autonomique, qui est qui fait partie de cet album Noir Magnétique de Dieform. Un peu de sanglant sous les canines pour rentrer, et je vous souhaite vraiment d'apprécier autant que moi ce genre de petites choses. Rappelons que ce sont pour des raisons professionnelles que tu dois être absente ce soir et que tu dois être absente pour les prochaines émissions. Tu nous reviendras le mercredi 27 septembre, n'est-ce pas ? Et oui, je suis dans le nord de la France. Pour raisons professionnelles, mais je ne vous oublie pas pour autant. Eh bien, écoute, on s'en est fait une idée ce soir. On va écouter ça, Dieform, avec le morceau Autonomie. Et nous, on te dit rendez-vous le 27. Gros bisous. Gros bisous à vous. I'm Autonomique, un morceau de Dieform, un extrait du dernier album pour vous ce soir dans Clair Obscur. Bonsoir, si vous nous rejoignez, vous êtes bien sûr le 90.3 dans le Vaucluse, le 102.5 dans le Gard et l'Hérault et une partie des Bouches-du-Rhône du côté d'Arles. Et sinon, vous nous écoutez sur internet sur le www.rage.fr. Et si vous êtes à Bamako ou si vous êtes à Hong Kong, on vous fait un gros bisou là-bas aussi. Et à l'instant, donc, c'était un groupe français qui a un style assez original, vous l'aurez reconnu. On va aller vers un groupe américain qui lui aussi existe depuis longtemps, puisqu'il s'est formé à la fin des années 80, une dizaine d'années après Dieform, et qui illustre si bien la tendance indus dont je vous parlais en début d'émission. Il s'agit d'un groupe que vous avez pu voir aux arènes de Nîmes cet été. Ceux qui ont eu la chance d'y aller en ont sans doute un merveilleux souvenir, en tout cas quelques-uns m'en ont parlé, ils avaient des étoiles plein les yeux. Et c'était un concert magnifique qu'a donné Nine Inch Nails, c'est son fameux leader Trent Reznor, cet été. Et c'est un groupe qui est connu non seulement pour la qualité de ses compositions musicales, et ce depuis une bonne vingtaine d'années, mais aussi pour les frasques, entre guillemets, par rapport aux maisons de disques de son leader, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds pour tout ce qui est droit d'auteur ou mainmise de certains grands groupes, grandes puissances d'argent, on va dire, du monde des médias. Et notamment, il s'est fait connaître pour distribuer son œuvre gratuitement sur Internet, ce qui constituait, au moment où il l'a fait, une sacrée initiative, quelque chose d'assez novateur et qui mettait pas mal de monde mal à l'aise. Toujours est-il que pour nous, c'est que du bonheur, et aussi c'est aussi la même chose quand il s'agit de se replonger dans leurs anciens albums, et c'est ce qu'on va faire tout de suite avec le morceau Terrible Lie. You make me

Dernière volonté à l'instant avec le morceau La Foudre et le Tonnerre, un morceau qui était extrait de leur album Les Blessures de l'Ombre, sorti en 2003, et qui était enchaîné juste avant avec un morceau de Nine Inch Nails, le groupe de Trent Reznor, avec le Terrible Line, qui était extrait lui de leur premier album sorti en 1989, Pretty Hate Machine, et premier album d'une série de très belles de chefs-d'œuvre souvent. Voilà, dernière volonté, un groupe que je vous ai déjà passé à plusieurs reprises, un groupe méconnu, et quand il est connu, un groupe décrié, car c'est un groupe, comme vous l'aurez entendu, qui a un côté assez martial dans la musique. C'est un projet musical qui a été initié en 1998 par Geoffroy D., et d'une dark ambiante assez avec des archives sonores des années 30 et de cette période un petit peu spéciale de notre histoire à tous, hein, quels que soient les pays européens et même au-delà. Il est allé vers un projet un petit peu plus pop à partir de cet album-là, justement, Les Blessures de l'Ombre. Et on ressent quand même les influences martiales qu'il aime incorporer dans sa musique, puisque lui-même joue des percussions et les roulements de caisses, c'est lui. Voilà, donc dernière volonté, on n'aime pas, mais en tout cas c'est un projet vraiment intéressant, un projet qui ne se produit pas souvent en France. Il est plus connu et reconnu en Italie et en Allemagne qu'en France, où il joue de manière assez rarissime, quoi. Le dernier concert c'était à Paris en 2009 et je crois que ça faisait 5 ou 6 ans qu'il n'y était pas passé. Donc je vous laisse un petit peu imaginer la fréquence des concerts en France et en Navarre. Voilà. Maintenant, tout à l'heure, là c'est un exemple de la diversité musicale dont vous pourrez avoir l'occasion, que vous pourrez avoir l'occasion d'écouter tous les mercredis soirs. Et j'avais dit tout à l'heure qu'on écouterait aussi un petit peu de métal. Eh bien, chose promise, chose due, puisqu'on va faire ça tout de suite avec un groupe de métal symphonique que j'aime beaucoup. Le groupe préféré de ma petite sœur, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui d'ailleurs, Lily, si tu m'écoutes. Et il s'agit d'un groupe. Alors j'ai hésité, hein, je m'étais dit pour la première émission, qu'est-ce que je leur passe dans ce genre musical là qui lui aussi est décrié mais qui a des très bonnes choses. Alors évidemment j'avais pensé à vous ramener Nightwish, qui est le groupe emblématique de cette tendance, et finalement j'ai choisi de vous ramener Epica, un groupe hollandais emmené par la sublimissime Simon Simons, qui s'est créé en 2003, enfin un petit peu avant, mais le premier album est sorti en 2003, l'album s'appelait The Phantom Agony, et je vous propose d'écouter le morceau éponyme, The Phantom Agony, avec 10 minutes de bonheur, d'intensité qui monte crescendo, et une voix absolument sublime. Je vous laisse deviner la plastique qui est derrière. I can't.

Voilà, c'était Kuntal avec le morceau Sumer, un morceau qui était paru en 2008 sur l'album Translucida, qui était leur sixième. C'est pas compliqué avec Kuntal, ils mettent un chiffre romain sur chacun de leurs albums, un peu comme Francis Ford Coppola le faisait avec Le Parrain. Et c'était enchaîné juste avant avec Epica et le morceau The Phantom Agony. Je vous disais, c'était un quart d'heure de pur bonheur dans Clair Obscur. Voilà, on arrive vers la fin de cette émission. On espère que malgré l'absence de Nathalie, malgré les problèmes répétés de platine, et je ne vous cache pas qu'elles m'ont bien pris le chou ce soir, mais c'était un tel bonheur de vous retrouver et d'être ensemble pour une heure de musique sombre que j'espère que vous y reviendrez. Et moi, je vous propose de continuer, ou plutôt de conclure, avec une petite tradition qu'on a dans cette émission, à savoir que pendant une heure, on aura passé du temps ensemble à écouter les musiques sombres que nous affectionnons tous, mais pour se quitter, on va conclure avec quelque chose de tout à fait différent, pas dans les émotions qui sont explorées par les musiciens, mais dans le style. Et je vous propose de commencer ce soir avec une grande dame de la chanson française. Alors, autant dire que c'est décalé par rapport à ce qu'on a écouté tous ensemble pendant une heure. Et une dame qu'on appelait un peu une gothique avant l'heure, la longue dame brune, la dame en noir. Vous aurez bien sûr reconnu Barbara, qui nous a quittés en 1998 par un froid matin de novembre. On n'y est pas encore, mais laissez-moi vous dire que j'ai des frissons à chaque fois que j'entends sa voix. Et je vous propose de nous quitter ensemble avec cette voix magnifique, Barbara, à mourir pour mourir. Non, ne mourrez pas tout de suite. Restez avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour une deuxième émission de Clair Obscur. Bonne soirée. À mourir pour mourir, je choisis l'âge tendre. Et partir pour partir, je ne veux pas attendre. Je ne veux pas attendre. J'aime mieux m'en aller du temps que je suis belle. Qu'on ne me voit jamais faner sous ma dentelle. Faner sous ma dentelle. Et ne venez pas me dire qu'il est trop tôt pour mourir. Avec vos aubes plus claires, vous pouvez vous faire l'air. J'ai vu l'or et la pluie sur les forêts d'automne. Les jardins alanguis, la vague qui se cogne. La vague qui se cogne. Et je sais sur mon cou la main nue qui se pose. Et j'ai su à genoux la beauté d'une rose. La beauté d'une rose. Et tant mieux s'il y en a qui les yeux pleins de lumière ont préféré les combats pour aller se faire l'enlaire. Au jardin du bon Dieu, ça n'a plus d'importance. Qu'on s'y couche amoureux ou tomber pour la France, ou tomber pour la France. Il est d'autres combats que le feu des mitrailles. On ne se blesse pas qu'à vos champs de bataille, qu'à vos champs de bataille. Et ne comptez pas sur moi s'il faut soulager mes frères. Et pour mes frères, ça ira. J'ai fait ce que j'ai pu faire. Si c'est peu, si c'est rien, qu'ils décident eux-mêmes. Je n'espère plus rien, mais je m'en vais sereine, mais je m'en vais sereine. Sur un long voilier noir, la mort pour équipage. Demain c'est l'au revoir, je quitte vos rivages, je quitte vos rivages. Car mourir pour mourir, je ne veux pas attendre. Et partir pour partir, je choisis l'âge tendre.